radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. De par le monde, la préhistoire est souvent approchée par l'étude des objets les plus caractéristiques. Pointe de flèche, hache ou poignard pour le néolithique. Ceci nécessite des technologies souvent très complexes et s'avère être toujours l'apanage des hommes. Ils constituent alors l'affirmation de la différenciation de leur champ social. Mais qu'en est-il des femmes et par là même de la préhistoire de celle-ci ? La question s'avère bien complexe et l'on peut se demander si les archéologues n'auraient pas tout simplement oublié 50% de notre lointaine histoire, celle du genre féminin. Venue des États-Unis, l'archéologie des genres féminin-masculin œuvre sur le thème depuis 3 décennies, parfois avec succès ou infortune. Voici peu, le Monde s'est fait l'écho des critiques de 9 chercheurs français, dont 5 femmes, autour d'un best-seller évoquant une vision toute modernisée du mythe du matriarcat primitif. Mais revenons à la réalité. Aujourd'hui, alors que les femmes sont longtemps demeurées invisibles, Jean Guilaine pose ce soir les fondements d'une histoire de celle-ci, afin de mieux leur redonner toute leur place dans la trajectoire de l'humanité. Jean Guilaine, bonsoir. Bonsoir. Préhistorien, professeur au Collège de France, membre de l'Institut, vous venez de faire paraître un gros et beau livre aux éditions Odile Jacob, au titre simple « Femmes d'hier, images, mythes et réalités du féminin néolithique ». Et merci d'être aujourd'hui, ce soir avec nous, en duplex de France Bleu à Toulouse. Votre point de départ porte sur la diversité des représentations féminines au sein des sociétés agro-pastorales. Jean Guilaine, le corpus est innombrable et d'une infinie diversité. D'une infinie diversité, effectivement. Depuis des représentations du corps féminin extrêmement schématisées et souvent réduites simplement au sexe, n'est-ce pas ? Et à côté de cela, à l'extrême opposé, je dirais, des représentations contraires de femmes très très plantureuses, très très extériorisées physiquement, n'est-ce pas ? Donc on a toute une gamme de représentations féminines qui montrent que les artisans de ces figurines en particulier ont recherché toute une série de codes, de canons, qui ont pu varier en fonction du temps, des cultures. Il y a des moments où les corps sont d'un schématisme extrême, et il y en a d'autres au cours duquel le réalisme s'affiche pleinement. Évoquons quelques exemples, connus ou inconnus, et leur grande stylisation. Je pense aux idoles en forme de croix d'Espagne, en forme de violon des Cyclades, qui diffèrent bien sûr des fameuses dames en marbre qui font la richesse des plus grands musées du monde. Oui, et d'ailleurs, il faut être prudent là-dessus parce que, à la même époque, au sein de la même culture, on peut avoir des expressions très différentes. Vous citez le cas des Cyclades. Bon, dans les Cyclades, dans le Cycladique ancien, c'est-à-dire en gros la fin du 4e millénaire et le début du 3e millénaire, on a effectivement encore des idoles très schématisées en forme de violon. Et puis à ce moment-là, commencent à apparaître des formes plus réalistes qui, elles, constitueront en quelque sorte le canon le plus courant au cours du 3e millénaire, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, diversité, mais diversité en même temps dans la contemporanéité. Côté femmes plantureuses, évoquons l'Anatolie centrale. Il faut alors évoquer le site d'Assilar en Turquie au cours du 6e millénaire avant notre ère. Oui, alors à Şilhar, en Turquie, effectivement, on a toute une série de représentations de femmes avec des seins, souvent des seins très très très développés, de gros fessiers, n'est-ce pas? Et puis d'ailleurs, là on est au sixième millénaire, mais si vous allez à l'autre bout de la Méditerranée, ou tout au moins au centre de la Méditerranée, à Malte, au troisième millénaire, vous avez également des femmes qui sont très corpulentes, très dodues. Donc voyez, il n'y a pas d'évolution type. En fonction du temps, en fonction de la géographie, en fonction des cultures, et il y a eu toute une série d'écoles très très diverses. Oui, les salles de Malte sont assez vraiment extraordinaires. On peut les voir à La Valette, je les ai vues lors d'un congrès, et avec femmes assises, femmes couchées, c'est vraiment extraordinaire. Les néolithiques ont exprimé le corps féminin au travers de nombreux détails, tête et chevelure, seins, perte de membres, mais aussi des gestes et des postures. Debout, enceinte, assise, allongée. Oui, oui. Et en fait, tout cela nous renseigne, n'est-ce pas? Alors, s'agissant du corps lui-même, on peut dire que souvent, les artisans de ces objets-là ont travaillé sur le modèle un peu exagération-exclusion. C'est-à-dire que dans certaines cultures, vous avez des organes qui sont hyper développés, des coups très longs, par exemple, des fessiers énormes, et d'autres parties du corps, au contraire, sont totalement tues ou minorées. Voyez? Donc, effectivement, en fonction encore une fois des lieux, des cultures, les choses changent. Et s'agissant alors des postures, évidemment, on a des positions qui peuvent nous renseigner. Par exemple, il y a des femmes debout, des femmes assises, des femmes qui trônent. Donc déjà, le fait qu'elles soient assises sur un trône peut être l'indice d'un certain statut social. On a souvent des femmes les mains au sein, qui sous-pèsent les seins ou qui semblent les protéger, n'est-ce pas? Ou parfois qui pressent sur leurs seins. Voyez? Donc, en fonction du geste, on peut avoir des indications dont nous profitons, nous les archéologues. Il y a aussi les fameuses danseuses. C'est pas les danseuses que l'on connaît qui font la couverture de votre livre d'ailleurs. Oui, oui. Ah ben celle qui est sur la couverture du livre est extraordinaire. Elle est conservée à New York. Elle date d'une Agadienne. C'est une prédynastique. C'est une sorte de ballerine, c'est pas. Et ces représentations d'ailleurs de figurines égyptiennes dans cette position, on les retrouve aussi peintes sur certaines céramiques d'une Agadienne à la même époque donc. Et puis à Mergar au Pakistan. Rappelons peut-être qu'il y a assez peu de femmes enceintes, curieusement. Oui, alors il y a peu de femmes enceintes, et ce qui me permet de discuter cette notion très répandue du culte de la fertilité. Vous savez, très longtemps, on a dit, bon, la femme, c'est la terre. La femme procrée, elle est féconde, et il y a un lien qui la relie à la terre, qui, elle, est fertile. Donc, en même temps, liaison de la femme, de l'agriculture, etc. Mais si les préhistoriques avaient voulu représenter la maternité, ils l'auraient fait, et ils l'ont fait dans quelques fois. Mais par rapport aux très très nombreuses figurines dont nous disposons, les représentations de femmes enceintes sont très peu nombreuses. Donc là, il faut s'interroger, évidemment, et se demander si, en définitive, les conclusions qui ont parfois été tirées n'ont pas été purement spéculatives, par rapport aux données archéologiques auxquelles il faut sans cesse revenir. Parce que, pour rester sur un point de vue plus général, moi j'ai fait ce livre en archéologue. Évidemment, sur la femme néolithique ou préhistorique, il y a eu beaucoup de textes, beaucoup d'hypothèses. Bon, on peut faire des hypothèses, j'en fais moi-même, bien entendu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de coller aux sources au maximum. Voilà. On reviendra donc bien sûr sur l'idée de la femme et de la nature. Rappelons aussi qu'il s'agit vraiment de femmes et du coup de superbes stèles féminines italiennes du quatrième millénaire ont subi l'iconoclastie du clergé catholique italien. Oui, oui. En fait, il y a toute une série. Alors là, ce sont des statues menhirs, n'est-ce pas? Soit féminines, soit masculines. Et les stèles féminines se caractérisent essentiellement par une belle poitrine, bien mise en valeur, en quelque sorte. Et on a un texte en particulier, je crois qu'il est du 7e ou du 8e siècle de notre ère, en disant il faut évidemment se débarrasser de toute cette iconographie qui a des relents païens. Et donc, on a complètement mutilé les poitrines de ces stèles, parfois même on les a décapitées. Donc, on a enlever à la fois l'identité de la personne représentée et puis ensuite son, je dirais presque son sex appeal, quoi. Est-ce que l'on peut dire qu'elles appartiennent au même groupe que ce que l'on connaît en France, dans le Rouergue, au musée Fenaille, par exemple? Alors, elles sont globalement de la même époque, grosso modo de la même époque, bien qu'il y ait des nuances entre les divers groupes de statues menhirs. Mais ces statues menhirs, on en connaît pratiquement de la Crimée jusqu'à la péninsule ibérique, n'est-ce pas? Et alors, elles expriment toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que les sexes ne sont jamais représentés sur ces statues menhirs. En revanche, les hommes sont toujours figurés par des armes. Autrement dit, les hommes se réservent l'utilisation de cet instrument, qui est un instrument qui, alors ce sont des poignards la plupart du temps, mais ça peut être aussi des arcs avec les flèches, n'est-ce pas, des hallebardes, des haches, etc. Et donc, les hommes se réservent les armes parce que les armes qui servent soit à la chasse, soit à la guerre, permettent de se construire un statut social. Et les femmes sont exclues des armes. Et elles sont représentées essentiellement par des parures, des atours, comme des colliers, et par, en même temps, leur sein, c'est-à-dire un caractère anatomique. Autrement dit, les hommes sont dans le culturel, le métallurgique, parce que souvent les objets, les armes représentées sont en métal, qui est à l'époque, en quelque sorte, l'innovation la plus moderne du moment. Bien. Et les femmes, elles sont au contraire à la fois dans l'anatomique, dans le biologique, dans le naturel, n'est-ce pas, dans le sauvage même, on peut dire, d'une certaine façon. Donc vous voyez cette espèce de catégorisation des sexes que reflètent les statues menhirs. D'un côté, la sphère du masculin, le mouvement, la chasse, la guerre, l'extérieur au fond. Et les femmes, au contraire, elles sont dans l'intime, dans le biologique, dans l'anatomique. Donc, il y a une catégorisation des genres qui est bien marquée et qui, d'une certaine façon, donne un peu un reflet déjà de la domination masculine, enfin déjà beaucoup, n'est-ce pas ? Bien sûr. De la domination masculine dans la mesure où les armes, c'est une affaire d'hommes. Le contrôle des armes. Voilà. En tout cas, il faut aller à tout prix voir le musée Fenaille à Rodez. Ces statues menhirs sont absolument extraordinaires. Comment passer de l'observation d'images à des interprétations ? Nous touchons ici, en plus, l'idéal. Les archéologues ont souvent plaqué des modèles interprétatifs issus de l'anthropologie culturelle sans grand esprit critique, il faut le dire. Ben, en fait, c'est tout un problème de chronologie épistémologique. C'est-à-dire que au XIXe siècle, déjà, les pères fondateurs de l'anthropologie, des gens comme Bachofen, Morgan, Taylor, etc., ont pensé une sorte de rétrospective de l'histoire de l'humanité, et ils ont considéré que il y avait un moment qui pouvait être la préhistoire, au cours duquel les femmes avaient un certain pouvoir dans la mesure où elles transmettaient la vie. Bien. D'où ces notions comme le matriarcat qui ont été forgées à ce moment-là ou après ce moment-là. Et puis que les hommes, en quelque sorte, n'ont pris le pouvoir, si on peut s'exprimer ainsi, qu'au cours de temps ultérieurs, c'est-à-dire que on est passé d'un stade d'abord à dominance féminine à un stade où le pouvoir serait devenu masculin. Bon. Mais vous savez, tout ça a été très contesté, et d'abord par l'anthropologie du XXe siècle, où des gens comme Françoise Héritier, par exemple, ont dit que malgré la très grande variété des sociétés, elle n'en connaissait pas où le pouvoir était réellement féminin. Il y a des partages de pouvoir, mais il n'y a pas de société carrément dominée par les femmes. Il y a plus récemment, un bel ouvrage a été publié par une anthropologue, Anne Gottner-Abendroth, disant qu'elle avait retrouvé diverses sociétés où les femmes avaient du pouvoir. Bon, alors moi je ne mets pas en doute évidemment ce qu'elle a dit, mais le problème c'est que quand ces anthropologues essaient de faire, en quelque sorte, de rechercher les archétypes, et cette autrice le fait, elle fait observer que déjà les femmes avaient du pouvoir au néolithique puisque il y avait le matriarcat. Alors voyez là la difficulté, c'est que sans discuter ce qu'on peut l'observer aujourd'hui ou hier, eh bien à l'époque du néolithique, si on s'appuie sur des travaux comme ceux de Maria Gimbutas, on verra qu'il a existé un pouvoir féminin, mais l'archéologie ne le démontre pas réellement. C'est une construction intellectuelle et rien de plus. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du matriarcat primitif? Le matriarcat primitif, en réalité, je pense que c'est purement une construction intellectuelle. D'ailleurs, l'anthropologie au cours du XXe siècle, notamment Françoise Héritier par exemple, les anthropologues ont bien dit que même si les femmes avaient certains pouvoirs dans certaines sociétés, il n'avait jamais existé de société carrément matriarcale au sens où les femmes auraient carrément dirigé la société. Ce que nous voyons, nous, pour le néolithique, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, c'est que d'une part, il y a la sphère de l'homme qui est celle de la chasse, de la guerre, des échanges, du mouvement. Il y a la sphère de la femme qui est celle de l'intérieur, de la domus, de l'intimité. Voyez? Et alors, on peut prendre justement des exemples qui pourraient illustrer ce que je viens de dire. On a une petite maquette en Thessalie, n'est-ce pas, du 5e millénaire, où l'on voit dans une maison, séparée en deux par une cloison, deux couples. Un couple avec qui est plus grand que l'autre, c'est-à-dire que c'est probablement les aïeux, les anciens, n'est-ce pas, le grand-père et la grand-mère. Puis ensuite, il y a un couple plus jeune avec ses enfants. Ça peut être la fille ou le fils, n'est-ce pas, avec leur progéniture. Et s'agissant du couple le plus ancien, la femme est représentée plus grande que l'homme. Et en plus, elle est sur une sorte de lit alors que l'homme couche par terre, n'est-ce pas? Donc on peut penser que dans cet exemple, à ce moment-là, vous voyez, je mets beaucoup de nuances, dans cette maison, c'est la femme, c'est l'aïeule qui est en quelque sorte la maîtresse du jeu. Mais à côté de ça, on peut prendre des exemples totalement inversés. On peut voir par exemple que dans certaines nécropoles du sud de la France, il y a deux types, si vous voulez, de comportements s'agissant des défunts. Ou bien on a des nécropoles dans lesquelles il y a des hommes et des femmes, et soit les hommes, soit les femmes ont des pointes de flèche, des parures, c'est-à-dire des marqueurs sociaux qui les caractérisent et qui les positionnent un peu comme la classe dominante, si je puis employer ce terme, de la société. Et à côté de ça, dans des silos désaffectés, au sein des habitats, nous avons des sujets qui ont été jetés sans aucun ménagement, des dépouilles, qui ont été jetées sans ménagement, comme de vulgaires ordures. Et souvent, ce sont des femmes. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que dans les subalternes de la société, eh bien, il y a souvent des femmes ou des fillettes, c'est-à-dire des gens qui étaient tout à fait en bas de l'échelle sociale. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. On a évoqué, bien sûr, Jean Guilaine, la femme initiatrice de l'agriculture, la divinisation de la nature, a, semble-t-il, débouché sur la théorie des grandes déesses donneuses de vie? Oui, c'est-à-dire que tout ça est parti, évidemment, de la notion de matriarcat du XIXe siècle. C'est-à-dire que, dans la mesure où on imagine une société qui est dominée par les femmes, en symétrie, on imagine que dans le domaine du religieux, n'est-ce pas, les femmes ayant le pouvoir politique, que dans le domaine du religieux, les divinités sont automatiquement féminines. Alors, l'exemple le plus représentatif de ces derniers temps, c'est de la seconde moitié du XXe siècle, c'est le travail de Maria Gimbutas, qui a d'abord camper une sorte de panthéon féminin avec trois divinités, une divinité des éléments naturels, une divinité de la fécondité, une divinité de la vie, de la mort et du renouveau. Et puis dans un second temps, Maria Gimbutas a fédéré d'une certaine façon en disant non, mais en fait, ces trois déesses, en réalité, ça n'est que les aspects d'une même et seule grande déesse. Et donc elle a bâti une théorie autour d'une grande déesse universelle, d'une certaine façon, Mais tout cela reste très spéculatif et n'est pas démontré par l'archéologie. S'il en était ainsi, on devrait retrouver des temples, des sanctuaires où cette grande déesse aurait été vénérée. Mais l'archéologie, et j'insiste là-dessus, moi je suis archéologue, donc moi j'aime bien les spéculations, mais il me faut du concret. Et ça, on ne le retrouve pas. Oui, Jacques Covin aussi a quant à lui évoqué la dualité entre la femme et le taureau, idée d'ailleurs qui a été très contestée ultérieurement par un grand anthropologue français, Jacques Testard. Oui, oui. En fait, je pense que les premières figurines que l'on voit apparaître sont des figurines essentiellement féminines. Mais il y a aussi des figurines masculines, même au début. Par exemple, dans un site comme Nevalichori, en Syrie, au 8e millénaire, 9e, 8e millénaire, vous avez autant d'hommes que de femmes qui sont représentés. Mais il est vrai que dans la première grande partie du néolithique, en Europe notamment, les figurines sont des figurines de femmes. Et je crois que ce sont des figurines de femmes, des figurines d'argile, parce que je pense que ce sont les femmes qui les modelaient. La femme a un lien avec la terre, avec l'argile, puisque dans la maison, le foyer est en argile, les poteries, et c'est souvent des potières, n'est-ce pas, qui fabriquent les céramiques, sont en argile. Donc je pense que les femmes représentaient essentiellement leur propre genre, leur milieu. Mais vous avez aussi, en symétrie, une autre sphère où c'est l'homme qui se représente. Par exemple, dans l'art du Levant espagnol, vous avez beaucoup de scènes de chasse, et ce sont des scènes qui sont peinte probablement par des hommes, parce que elle valorise le genre masculin. Donc, vous voyez, au fond, chaque genre s'affirme. Qu'en est-il de la division sexuée du travail? Division naturelle ou culturelle, pour vous? Culturelle. Écoutez, si l'on regarde ce que nous donnent les statuts menhirs, on a quand même un cadre général, c'est-à-dire que la femme est dans sa sphère domestique, l'homme est dans la sphère extérieure. Mais en réalité, tout cela reste, à mon sens, assez... c'est une loi générale, d'une certaine façon. Mais je pense que les sociétés se sont adaptées en fonction de leurs propres besoins. C'est-à-dire, on dit que la chasse est essentiellement masculine, mais les femmes pouvaient très bien chasser, n'est-ce pas? Bon. Et les hommes pouvaient également travailler les champs. Alors on pense que pour le champ, par exemple, eh bien, l'homme abat les arbres et puis c'est la femme qui, dans l'héritage de la collecte des chasseurs-cueilleurs, est agricultrice, etc. Mais en réalité, les deux sexes peuvent travailler exactement aux mêmes fonctions. Et il n'est pas de fonction qui soit spécifiquement masculine ou féminine, notamment en se basant sur l'aspect physique du corps humain. Les femmes peuvent faire des travaux d'hommes, bien entendu. Et donc, il faut quand même se méfier des stéréotypes qui continuent d'être très, très prégnants dans notre discipline. En revanche, en Italie, notamment dans le Val Camonica, les choses sont très claires. Le bœuf et l'arrière sont guidés par des hommes. Et ceux-ci ont bien affirmé leur genre dans cet art, d'ailleurs, qui est somme toute très schématique. Oui, si vous voulez, vous avez les objets sont genrés. L'arc, par exemple, est considéré comme un outil masculin, puisqu'il est lié à la chasse, et que la chasse, c'est surtout les hommes, même si les femmes peuvent y participer. Bon, dans le même genre d'outils sexués, d'une certaine façon, vous avez l'arrière. Parce que l'arrière implique, évidemment, pour creuser le sol, de s'appuyer sur les mancherons, et donc il faut une certaine force physique. Et effectivement, les représentations que nous avons d'attelage, de scènes de labour, ce sont essentiellement des hommes qui sont figurés. Ce qui n'empêche pas que certaines femmes pouvaient effectivement effectuer ce genre de travail. Mais vous voyez, il y a toujours, en quelque sorte, le cas général, l'expression générale, le codage général des genres, et puis vous avez ensuite les cas particuliers. Et justement, la difficulté de l'archéologue, c'est de naviguer entre ces deux possibilités. Rendons-nous à l'évidence, Jean Guilaine. Évoquer le statut des femmes, c'est s'apercevoir qu'aucun modèle unique n'est attesté dans le monde néolithique. Je pense qu'il y a autant de variétés que de cultures sur, par exemple, la position des femmes. Il y a le très bel ouvrage d'Anne Augereau sur les femmes du néolithique ancien Rubanais, qui montre que globalement, dans cette culture, évidemment, il y a plutôt une domination masculine. N'empêche, dans le Rubanais du bassin parisien, vers la fin de la période, on a quelques femmes enterrées et qui sont excellemment bien dotées. Et donc, elles pouvaient occuper au sein de sociétés des rôles importants. Voyez, tout n'est jamais ou blanc ou noir. Hein. Donc, il faut, en quelque sorte, analyser toujours plus finement et voir qu'il y a toujours des cas particuliers qui viennent contester des notions plus globales. Alors, si certaines femmes au sixième millénaire pouvaient avoir un statut, d'ailleurs avec des très très belles perles, des capes absolument extraordinaires, c'est par exemple le cas du site de Bussy-le-Long, la génétique a été étudiée justement sur des hommes et des femmes. Vous commenciez à en parler tout à l'heure, Jean-Guy, dans des fosses du sud de la France, avec des statuts justement aussi très différents entre hommes et femmes. Oui, alors là c'est quand même intéressant, parce que nous avons maintenant, en plus de l'archéologie funéraire, nous avons la génétique. Et des travaux ont été menés, notamment en Allemagne, sur des nécropoles allemandes du 3e millénaire, hein, civilisation cordée, civilisation du vase campaniforme. Et alors là, on s'aperçoit de choses très intéressantes, c'est-à-dire que dans ces nécropoles, les hommes restent présents sur le même territoire de père en fils, c'est-à-dire qu'on peut avoir, à partir de l'analyse génétique, sur place le grand-père, le père, le petit-fils, etc. Autrement dit, les hommes ne bougent pas, et probablement qu'ils ont la maîtrise de la terre, puisque ces civilisations vivent d'abord d'agriculture et d'élevage. Et les femmes qui sont enterrées là sont des femmes dont les haplogroupes, c'est-à-dire les marqueurs génétiques, montrent qu'elles viennent de l'extérieur. Autrement dit, ce sont des étrangères, je mets le mot entre guillemets, bien entendu. Elles peuvent être d'origine lointaine. Alors, il y a deux types, je dirais, globalement, n'est-ce pas ? D'une part, il y a celles qui ont un certain statut social et celles qui sont au bas de l'échelle. Celles qui ont un certain statut social, il est probable qu'elles ont été, ce sont des mariages qui ont été négociés. Autrement dit, on est allé chercher des femmes plus ou moins loin en négociant et peut-être en donnant les filles de tel village à tel autre, voyez. Bon. Et à côté de ça, on a des femmes qui sont au bas de l'échelle sociale, qui sont aussi des étrangères. Celles-là, est-ce qu'elles ont été négociées? Je n'en sais trop rien. Elles ont été raptées, Jean-Guilaine. Qu'elles n'aient pas été raptées, voilà. Qu'elles n'aient pas été kidnappées, n'est-ce pas, lors de raids meurtriers, parce que la violence et les confrontations existaient aussi, hélas, au néolithique. Et là, nous sommes au troisième millénaire, mais on sait que au sixième millénaire, le rapt existe, bien sûr, dans le néolithique d'Europe. Au tournant du quatrième et du troisième millénaire, nous voici devant une véritable construction idéologique, la banalisation de la possession sociale entre hommes et femmes. Oui, alors je reviens un peu sur ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en réalité, on a un codage. On a un codage du masculin et du féminin, j'y reviens, c'est les armes et le mouvement d'un côté, c'est ce qui est domestique, ce qui est intime. Bon, mais encore une fois, c'est cette catégorisation, n'est-ce pas, à valeur générale, mais rien ne nous dit qu'il n'y ait pas des cas particuliers qui transgressent. Alors, on peut prendre un exemple, n'est-ce pas? C'est que dans ces populations du troisième millénaire, dans certaines cultures, on s'aperçoit parfois que dans les sépultures, vous savez, les hommes sont enterrés d'une certaine façon, orientés d'une certaine façon, les femmes d'une autre façon. Et de temps en temps, on voit des hommes qui sont enterrés dans la même position que les femmes. Alors, est-ce que ces hommes-là avaient occupé dans leur vie des fonctions féminines? Est-ce qu'ils s'étaient habillés comme des femmes? Est-ce qu'il y a un problème d'homosexualité derrière? On peut poser autant de questions qui montrent qu'en réalité, ces comportements ne sont peut-être pas très différents de ce que nous rencontrons dans nos sociétés du 21e siècle. Jean-Guilaine, merci beaucoup pour cette enquête. Donc, à découvrir dans un grand et beau livre, Femmes d'hier, images, mythes et réalités du féminin néolithique, aux éditions Odile Jacob. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Bastien Varigo, et bien sûr avec la contribution donc de France Bleu Occitanie à Toulouse.